cirque la France du comme un sale semblable. Penchant pour l'ultra-violence, pour être fort et irritable. Un sale stock de démence, une pulsion d'érotisme. N'aie pas la malchance de te trouver sur ce liste. L'espèce est oiseau, le propre de l'homme. Des cons décartonnent, l'espèce est oiseau, le propre de l'homme. Des cons décartonnent. L'ennemi public pour l'État, jamais il ne se rendra. Dans sa tête résonne les conseils d'Al Capone. Une blague à tout va, massacre à tour de bras. La meilleure défense est l'attaque, l'État s'est pris une claque. L'esprit c'est Wesson, les propres de l'homme. Des cons décartonnent, l'esprit c'est Wesson, les propres de l'homme. Des cons décartonnent. Un, deux, trois, quatre, la liberté ne se note pas, elle se prend. La liberté ne se note pas, elle se prend. La liberté ne se note pas, elle se prend.